En quittant Valérie, Hulot était descendu jusqu'à la loge et s'était montré subitement à Madame Olivier. Madame Olivier, en entendant cette interrogation impérieuse et voyant le geste par lequel le baron la commenta, Madame Olivier sortit de sa loge et alla jusque dans la cour à l'endroit où le baron l'emmena. Vous savez que si quelqu'un peut un jour faciliter à votre fils l'acquisition d'une étude, c'est moi. C'est grâce à moi que le voici troisième clerc de notaire et qu'il achève son droit. Oui, monsieur le baron. Aussi, monsieur le baron peut-il compter sur notre reconnaissance. Il n'y a pas de jour que je ne prie Dieu pour le bonheur de monsieur le baron. Pas tant de paroles, ma bonne femme, dit Hulot, mais des preuves. Que faut-il faire? Demanda madame Olivier. Un homme en équipage est venu ce soir. Le connaissez-vous? Madame Olivier avait bien reconnu le Montès. Comment l'aurait-elle oublié? Montès lui glissait, rue du Doyenné, 100 sous dans la main toutes les fois qu'il sortait, le matin, de la maison un peu trop tôt. Si le baron s'était adressé à monsieur Olivier, peut-être aurait-il appris tout. Mais Olivier dormait. Dans les classes inférieures, la femme est non seulement supérieure à l'homme, mais encore elle le gouverne presque toujours. Depuis longtemps, madame Olivier avait pris son parti dans le cas d'une collision entre ces deux bienfaiteurs. Elle regardait madame Marneffe comme la plus forte de ces deux puissances.